On dit que le sapin murmure aux âmes perdues dans l'azur. Un souffle ancien, un chant secret que seuls les cœurs purs connaîtraient. Le souffle du sapin, écoute-le bien. Il porte les histoires des anciens. Quand l'hiver revient au matin, suis le souffle du sapin. Le sapin reste là. Et...